J'aimerais vous parler d'un homme qui a pourtant été quelqu'un d'absolument fantastique. C'était un homme qui a demandé à Dieu la sagesse. Dieu lui avait dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, et il a demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu lui a non seulement donné la sagesse, mais il lui a donné aussi, par-dessus tout, toutes sortes de choses. Je parle bien sûr de Salomon. Et vous savez qu'il y a des rois dans le monde qui veulent laisser des traces. Nous avons par exemple un roi de France, Louis XIV, qui a dit à la fin de sa vie « J'ai trop aimé la guerre ». Lui qui se considérait comme le roi soleil, qui s'est fait d'ailleurs peindre à plusieurs reprises, même comme la divinité qu'est le soleil dans les religions égyptiennes. Et il s'est comparé au soleil. Et Salomon, dans sa grandeur, nous dit l'Écriture, et pour aller un peu plus vite, je ne lirai pas les textes, je vous les commanderai pour que vous puissiez continuer votre méditation. Dans sa grandeur, des rois entiers venus de la terre venaient connaître la sagesse de Salomon. Les mêmes reines de Saba qui est venue et d'autres qui voulaient entendre et qui, une fois qu'ils avaient entendu, pouvaient dire à Salomon, mais ce que j'avais entendu à côté de ce que j'ai vu, c'est absolument rien du tout. Le règne de Salomon a été marqué par la paix, par la prospérité, et on pourrait dire que Salomon a été un roi absolument fantastique. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des dessous de la gloire de Salomon. Et pour cette première étude, justement, chrétien, est-ce si difficile aujourd'hui? J'aimerais voir aussi peut-être un certain nombre de zones d'ombre qui pourraient surgir dans notre vie. Nous sommes confrontés les uns et les autres, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, que nous soyons mariés ou célibataires, que nous soyons de tel pays ou de tel autre, vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est d'ailleurs Salomon qui l'a dit. Et en particulier, rien de nouveau par rapport à ces zones d'ombre. Les rois d'Israël devaient être des modèles. Et nous voyons que David a été choisi par Dieu pour succéder à Saül, qu'il a été le roi selon le cœur de Dieu. Mais nous savons aussi que David a commis tout un certain nombre de fautes. Nous savons qu'il y a eu le péché avec Bathsheba, qui a d'ailleurs entraîné la fin de la dynastie de David. Vers la fin de sa vie, même il a voulu savoir exactement combien il y avait de personnes qui habitaient dans son royaume. Il a péché par orgueil. Et Salomon a aussi tout un certain nombre de zones d'ombre. Et pourtant, dans la Bible, il nous est dit, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 17, que lorsque le peuple d'Israël aurait un roi, il fallait que ce roi se préserve d'un certain nombre de choses. Et voilà ce que nous dit la Bible. « Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, en parlant du chemin de l'Égypte. » d'où le peuple était sorti. Et ce texte qui est là dans le livre du Deutéronome au chapitre 17, c'est un texte qui est donné à Moïse avant que le peuple ne passe le Jourdain et ne prenne possession complètement, enfin, de ce pays promis après 40 années dans le désert. Et Dieu va donner des recommandations pour le roi. Qu'il ne prenne pas un grand nombre de femmes, qu'il ne se corrompe pas, qu'il n'amasse pas non plus grande quantité d'argent et d'or. Quand il accédera au trône, il écrira sur un livre, pour son usage personnel, une copie de la loi qui lui communiqueront les prêtres et les lévites. Cette copie ne le quittera pas. Et nous voyons Dieu qui demande à ces rois qui vont régner. Oh, on sait bien que le peuple d'Israël va demander à un roi pour faire comme les autres. Mais de faire attention à trois péchés fondamentaux qui sont les mêmes aujourd'hui. L'orgueil, le sexe et l'argent. Et on s'aperçoit que ce sont des choses qui peuvent aussi, dans nos églises, nous attirer dans des situations bien dramatiques. D'abord, Salomon a aimé la gloire. Il a eu énormément de chevaux, nous dit le texte biblique. Il a eu cet amour de l'argent. Il nous est dit d'ailleurs, et c'est assez aberrant de voir que Salomon, qui a écrit tout un certain nombre de proverbes, dit même, ne me donne pas trop peu de peur que je ne médise, mais ne me donne pas non plus trop de peur que je ne t'oublie. Et pourtant, Salomon est tombé dans le travers de ce proverbe qu'il a écrit. Si vous relisez tout le livre des proverbes, si vous relisez le livre de l'Ecclésiaste, vous vous rendez compte que Salomon, en fin de compte, n'a pas réussi lui-même à mettre en pratique tout un certain nombre de choses dans sa vie. Et ça, c'est un danger qui nous guette à tous. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est bien là aussi ce que le Seigneur a dit aux pharisiens du temps où il était dans son ministère terrestre. Parce que les pharisiens étaient tout le temps là en disant « il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, etc. » Mais Jésus dit « mais attendez, l'important ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous vivez. » Et dans la vie chrétienne aujourd'hui, me semble-t-il, la chose la plus importante, mais elle est vraie puisqu'elle a toujours été vraie, c'est ce que nous vivons. Qu'est-ce que je suis ? Et Salomon est tombé dans l'amour de l'argent. L'amour de cet argent où il a voulu construire, bâtir. Il le dira dans le livre de l'Ecclésiaste. Je n'ai privé mon cœur en rien de toutes les richesses de la terre. Il s'est acquis des tas de jardins, il s'est acquis des tas de serviteurs, des servantes, des esclaves. Il avait largement, et même au-delà. Et nous risquons, nous aussi, en tant que chrétiens, de nous attacher tellement à ces choses de la terre qu'est l'argent. Alors vous savez qu'il y a des gens, plus ils ont de l'argent, plus ils en veulent. Mais il y a des gens qui, moins ils ont de l'argent, plus ils en veulent aussi. Et le problème, c'est que le Seigneur nous dit que dans tous nos besoins, nous devons lui faire confiance. Il y avait d'ailleurs à Nice, me semble-t-il, une banque soi-disant qui était imprenable il y a quelques années en arrière, avec je crois 173 ou 175 coffres qui étaient inviolables. Et des tas de gens étaient venus mettre là dans leur coffre personnel des bijoux, de l'argent, toutes sortes de choses. Et en une nuit, quelques cambrioleurs ont vidé tout et plus rien. Mais bien sûr, un certain nombre d'assurances n'ont rien pu rembourser aux gens parce que les gens ne voulaient pas dire aux assurances qu'il y avait à l'intérieur des coffres. Mais il paraît qu'il y avait des sommes absolument colossales qui étaient là à l'intérieur. Et nous avons tous un danger de nous attirer, de nous laisser attirer par toutes les choses matérielles de la terre. Et en particulier par cet argent que nous pouvons avoir, ou peut-être que nous ne pouvons pas avoir. Et Salomon est tombé aussi dans ce travers. Plus il en avait, plus il en voulait. Et pourtant, au début de son règne, il a demandé à Dieu la sagesse. Et combien nous avons besoin d'avoir de la sagesse dans la manière dont nous gérons notre argent. Oh, bien sûr, l'argent, on en a besoin. Hein, vous n'arrivez pas chez le commerçant en disant « Dieu m'a demandé de vous dire de me donner à manger. » Il va vous faire une tête comme ça, il va dire « Celui-là, il a un petit problème. » Si nous travaillons, c'est une grâce de Dieu. Si nous avons un salaire à la fin du mois, c'est une grâce de Dieu, mais nous ne devons pas faire de cet argent quelque chose qui va devenir notre Dieu. D'ailleurs, Jésus le dira aussi dans un de ses discours « On ne peut servir Dieu et mammon. » On ne peut pas servir à la fois Dieu, le Dieu éternel, celui qui a dit « Ne vous inquiétez pas de vos cheveux, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtu. » Et même, il va faire une comparaison, Jésus en disant « Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu aussi, de façon aussi belle que les lys des champs. » Et pourtant, l'argent, on en parle beaucoup, presque trop maintenant, dans notre monde. Et puis on sait que l'argent, ça monte et s'en descend. En tout cas, en ce moment, la bourse, il y a des gens qui doivent se faire sans doute des cheveux blancs par rapport à tout ce qui se passe. Mais la Bible nous dit aussi autre chose. C'est que quand nous avons, nous devons donner. Et nous devons donner, mais avec ce qui reste, nous aurons encore de quoi satisfaire à tous nos besoins. C'est-à-dire que la Bible a une notion de relation à l'argent qui est formidable. Si vous relisez tous les textes du Lévitique, en particulier lorsque le peuple va rentrer en possession du pays, il est dit, il n'y aura pas de pauvres chez toi. Et on devait, quand on faisait la moisson, laisser toute une partie du champ pour les pauvres, qui allaient ensuite glaner pour pouvoir justement vivre. Quand il y avait la fête de la Pâque, on devait partager l'agneau avec la famille, mais on devait aussi inviter la veuve, l'orphelin, le prêtre, le lévite, l'étranger. C'est-à-dire qu'on devait partager. Et je trouve que de plus en plus aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'égoïsme terrible. J'ai, je possède, c'est à moi. Alors que la Bible semblerait nous dire au contraire, si j'ai, je dois en remercier Dieu, mais je dois aussi en faire partager les autres. Oh, bien sûr, nous ne devons pas non plus vider nos comptes pour ne plus vivre nous-mêmes, parce que la Bible nous dit aussi que nous devons agir avec sagesse. Mais je trouve de façon intéressante. Et cette zone d'ombre chez Salomon va être terrible. Il a voulu construire, bâtir. Bien sûr, il y avait le temple de l'Éternel, mais après, il y avait tout ce qu'il a lui-même bâti. Et d'ailleurs, son fils fera exactement la même chose, parce qu'à la mort de Salomon, lorsque Roboam va monter sur le trône, les gens viendront le voir en disant « Allège notre charge, parce que nous payons trop d'impôts pour toi. » Et Roboam n'a pas voulu suivre le conseil des anciens, il a plutôt préféré écouter les jeunes. Et il a dit « Mais moi, mon petit doigt, il est bien plus fort que le talon de Salomon, et il a imposé davantage aux gens. » Donc nous devons faire attention. Et dans notre vie de chrétien, nous devons faire attention aussi à l'argent. Alors on dirait que quand on n'en a pas, on ne peut-être fait pas attention, mais soyons bien conscients, il y a la part qui revient à Dieu, la part de ce que je dois à Dieu. Et ça, c'est l'orgueil de la vie des gens qui veulent toujours posséder plus. La deuxième zone d'ombre chez Salomon, c'est cet amour des femmes. On s'aperçoit qu'il collectionnait les femmes. Il en avait énormément. Si vous regardez dans le premier livre des rois au chapitre 11, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Et pourtant, toutes ces femmes, Dieu avait dit, alors que le peuple de nouveau devait rentrer pour prendre possession du pays, « Vous n'épouserez pas les filles des Moabites, des Sidoniens, des Hittites. Vous ne pratiquerez pas, parce que non seulement il y avait le mariage, mais il y avait toutes sortes de pratiques qui allaient avec. » Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Dans la vie de Salomon, si vous relisez dans le premier livre des Rois, les 10 premiers versets, eh bien on s'aperçoit que non seulement ces femmes l'ont détourné au niveau de sa sexualité, mais aussi avec toute l'idolâtrie qui allait avec. Et il nous est dit dans l'Écriture, il y avait un haut lieu pour Kémoc, l'idole abominable de Moab, pour Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères, pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Lui, Salomon, que Dieu avait rencontré au tout début de son règne, lui qui avait demandé la sagesse à Dieu, s'est laissé détourner. Et l'amour rend aveugle, dit un proverbe. Et pourtant, Salomon était prévenu. Son père avait lui-même commis quelque chose de terrible avec sa mère, Bathsheba, puisque ça avait même terminé par un meurtre, et puis par essayer de magouiller un petit peu toute l'affaire. Et Salomon, dans sa vie, va avoir quelque chose de terrible. Alors bien sûr, on n'est pas dans le même schéma, mais je crois que nous devons faire attention de plus en plus aujourd'hui, avec tout ce que, et en particulier Internet ou autre, risque de nous mettre sous les yeux. Nous voyons de plus en plus des situations dramatiques dans des familles, dans des couples, et nous devons demander à Dieu, et il y a tout un certain nombre de jeunes là parmi nous, demande à Dieu l'époux ou l'épouse qui sera pour toi. Mais garde-toi pur. Garde-toi pur pour celle ou celui que Dieu un jour va te faire rencontrer. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de donner la totalité de soi-même, intellectuellement, physiquement, psychologiquement, à celle qui va partager ma vie ou à celui qui va partager ma vie. Alors que le monde aujourd'hui, c'est quoi ? C'est fais ce que tu veux, éclate-toi, profite pendant que tu es jeune, parce qu'après, tu vas être avec une femme pendant le reste de ta vie. Presque comme si c'était quelque chose de catastrophique. Nous allons fêter bientôt nos 33 ans de mariage. Mais quand on dit aux gens qu'on est marié depuis 33 ans, certains vous disent, mais d'où vous sortez ? D'où vous sortez ? Et pourtant, on a encore des tas de choses à apprendre. Et je crois que c'est tellement important. Et justement, une des choses difficiles pour des chrétiens aujourd'hui, c'est cette partie-là de la vie, de faire attention, de ne pas se laisser tenter. Parce qu'il y a non seulement l'idolâtrie qui va avec, mais avec Internet, et vous savez que toutes sortes de choses peuvent se produire. La troisième chose aussi, dans la vie de Salomon comme zone d'ombre, c'est les alliances boiteuses. Salomon a commencé à épouser la fille de Pharaon, l'Égyptien. Mais Salomon, tu oublies que ta nation a été pendant 430 ans esclave en Égypte. Tu oublies que Dieu avait dit qu'il ne fallait jamais retourner en Égypte. Tu oublies que Dieu avait dit de ne jamais faire alliance avec les Égyptiens. Et toi, tu prends pour femme la fille de Pharaon. Et puis il a continué tout au long de sa vie avec toutes ses femmes, justement avec les Ammonites, les Moabites. Et vous savez, c'était les ennemis héréditaires d'Israël. Et le problème, c'est que nous risquons dans notre vie d'avoir des alliances boiteuses. Dieu d'un côté, mais Seigneur, écoute, laisse-moi vivre quand même un petit peu avec les autres. Et nous risquons de mener une double vie. Nous risquons à la fois d'adorer Dieu, mais à la fois aussi de faire des choses que peut-être le Seigneur n'approuverait pas. Et je dirais, on se retrouve, et vous savez, le cercle est toujours le même, parce que là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est tellement facile, dans le cadre à l'école, à la fac, au travail, dans les relations avec les voisins, avec les amis, peut-être d'avoir des alliances boiteuses dans nos vies, et de ne pas être fidèlement ancré sur le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que Salomon, avec ses alliances boiteuses, a fait commencer à rentrer les poteaux d'Akéra, qui étaient des lieux, hauts lieux où il y avait de la prostitution sacrée, où il y avait même, avec les divinités Moloch que je vous ai lues et celles des Ammonites, on offrait des enfants à ces divinités vivants pour avoir l'agrément de la divinité. Mais Salomon, qu'est-ce que tu as fait? Toi qui as demandé la sagesse à Dieu, tu es en train de te livrer à toutes sortes de choses. Et je crois qu'il faut faire très attention. C'est tellement facile d'avoir des alliances boiteuses dans nos vies. De ne pas être à 100% pour le Seigneur. Et quelqu'un a pu dire que si on n'était pas à 100% pour le Seigneur, on n'est pas au Seigneur du tout. Parce que c'est un petit peu comme de la gangrène. Ou c'est un petit peu comme quand on a un tout petit point noir sur une dent. On dit que c'est pas trop grave. Mais le jour où on va chez le dentiste et qu'il faut creuser pour savoir, mais si le dentiste ne va pas jusqu'au bout pour enlever tout le mal, ça va continuer. Et la Bible nous dit de nous garder purs, parfaits pour Dieu. C'est pas évident. Et tout cela, pourquoi? Pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Et c'est ce que Salomon n'a pas compris dans ses diverses alliances qu'il a eues. Et puis alors, il a eu tous ses amours des faux dieux, toutes ces choses qui l'ont amené vers la fin de sa vie, à une situation fin fonde terrible. Lui qui, au début, avait demandé la sagesse à Dieu, avait marché avec Dieu main dans la main, avait fait cette prière, si vous la relisez dans l'Écriture, de la dédicace du temple, mais qui est magnifique. Il demande à Dieu d'habiter là, dans le temple, au milieu du peuple. Et voilà que petit à petit, il a laissé entrer des divinités païennes. Et non seulement il les a laissés rentrer, mais il les a même multipliés pour toutes ces femmes. Et lui-même, nous dit l'Écriture, va même jusqu'à monter sur les hauts lieux pour adorer les divinités. Et dans notre vie chrétienne, c'est tellement facile. Oh, on peut être à l'église le dimanche. On peut même venir aux différentes réunions de l'église. Mais on peut aussi oublier que Dieu doit être notre Seigneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est tellement facile. Et en plus, quand on est seul, les autres ne voient pas. Les autres membres de l'Église ne nous voient pas. Et c'est tellement facile d'avoir justement ces zones d'ombre dans nos vies. Et c'est ce que, justement, Salomon va, pas lui, mais son fils. Parce que l'addition va être salée dans la vie de Salomon. Lui qui, au départ, voulait avoir une vie totalement ancrée en Dieu et qui, petit à petit, va laisser rentrer un certain nombre de choses, c'est son fils qui va trinquer. Vous savez, il y a cette expression, hein, les parents boivent, c'est les enfants qui trinquent. C'est ce qui s'est passé. Parce que Roboam ne va pas suivre son père. Et il va y avoir, au sein du peuple d'Israël, la cassure, la rupture, le schisme, la division entre les royaumes du Nord et les royaumes du Sud. Et il va y avoir toute cette période dramatique que nous avons dans l'Écriture, de ces rois de Juda et d'Israël qui vont même se combattre, de la même nation, de la même racine, du peuple de Dieu qui va se combattre. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Parce que Salomon n'a pas été fidèle. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, elle n'est pas facile. C'est pour ça qu'elle n'est pas facile, parce qu'elle demande une seule chose. Et Dieu l'avait déjà dit dans le texte de l'Écriture, dans le livre du Lévitique. Soyez saints, car je suis saint. Et c'est là que vous me dites, bon, c'est pas la peine, Dominique, écoute, il vaut mieux qu'on arrête le week-end ici. Parce que qui d'entre nous peut arriver à la sainteté ? Effectivement, personne. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous tendions à la sainteté. C'est que nous fassions que tout ce qui risque de nous séparer de Dieu, nous le mettions de côté. Et que nous remplissions notre esprit de la personne même de Jésus-Christ, de l'enseignement de Jésus-Christ. Que nous soyons des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, de la parole de Dieu. Vous savez que la Bible est de moins en moins lue dans nos églises. Or, on lit des tas de livres d'hommes, de femmes, hein, qui ont fait des tas de choses, etc. Mais la Bible, c'est notre nourriture. C'est ce livre qui est la base. Et quelqu'un peut dire que c'était ou la Bible qui allait nous éloigner du péché, ou c'est le péché qui allait nous éloigner de la Bible. Et c'est pour ça qu'il est tellement important, si nous voulons vraiment vivre comme le Seigneur nous demande, d'être intransigeant sur un certain nombre de choses. Et en particulier, sur cette position par rapport à l'argent, sur cette position par rapport à l'idolâtrie, sur toutes ces questions intimes de sexualité ou autre, sur toutes ces alliances que nous pouvons faire ici ou là, de se garder pur. Et ceci pour la gloire de Jésus-Christ. Ça coûte d'être chrétien. Mais nous avons la chance de pouvoir vivre librement. Nous avons la chance de pouvoir vivre librement notre foi. Personne ne vous a forcé à venir ici. Enfin, j'espère. Vous allez à l'église librement. Mais est-ce que nous nous rendons compte que dans un certain nombre de pays, nos frères et sœurs ne peuvent pas être libres d'adorer le Seigneur ? Des fois, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas de temps en temps une persécution en France ? Bon, je ne la demande pas. Mais je me dis, est-ce que s'il y avait persécution, je serais capable de tenir ? Alors bon, on est là, tranquillement, et on dira tous oui. Parce que quand on est assis sur une chaise, un 31 octobre, sympathiquement, avec toutes sortes de personnes, on a eu un bon repas, et on sait qu'en plus, il y a un bon dessert qui nous attend tout à l'heure, mais on refait le monde ! Mais quand on est dans la situation. Vous savez, nous avons été en Pologne, et l'ami qui nous a... Parce que nous avons adopté nos deux dernières filles en Pologne. Et l'ami qui nous a reçus nous a dit, vous ne connaissez pas le bonheur que vous avez d'aller où vous voulez. Et ça, c'était en 89. Nous avons connu l'ouverture du mur de Berlin, nous étions à l'Est, nous étions en Pologne. Parce que lui, quand il devait aller de sa ville pour chez sa sœur qui était dans une autre ville, il devait demander l'autorisation. Personne ne vous... Vous n'avez pas demandé d'autorisation à qui que ce soit. Et ce sont des gens qui aiment le Seigneur, qui nous ont fait du bien, qui avaient un zèle pour le Seigneur. Et le gros problème, c'est que un des amis qui est pasteur là-bas en Pologne nous disait, quand nous l'avons vu pour la dernière fois, il nous disait que maintenant la Pologne commence un petit peu à devenir aussi comme de ces pays occidentaux que nous sommes. On ne vient plus trop à l'église parce qu'on a toutes sortes d'activités, parce qu'il y a peut-être... telle ou telle chose, et je crois que nous avons besoin, si nous voulons réellement vivre pour le Seigneur, de tout faire pour que ma vie plaise à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut ? Il veut rien d'autre que tout. Il veut la totalité de mon intelligence, la totalité de mon corps, la totalité de mon couple, la totalité de ce que je serai, la totalité de mes enfants. Et c'est pour ça que Salomon n'a pas tout à fait bien compris toute chose. Oh, il a demandé à Dieu la sagesse. Dieu la lui a donnée. Mais Salomon a fait comme nous risquons de faire les uns et les autres trop souvent. Il a vécu sur l'acquis du passé. Et si nous vivons sur les acquis du passé, nous ne sommes pas dans le présent. Et s'il y en a un qui lui est toujours présent, c'est l'ennemi de Dieu, qui nous attend et qui va faire justement que nous allons tomber dans ces trois travers qui sont toujours les mêmes depuis l'origine. L'orgueil de la vie, l'égoïsme, hein, vous serez comme des dieux. C'était ça. Mais Dieu est en train de vous mentir, Adam et Ève. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Et alors là, ça a été tellement important. Vous vous rendez compte, l'homme peut devenir comme Dieu. Mais vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui jouent encore à ça en ce moment. Et nous avons besoin, nous, avec intelligence, bien sûr, mais de montrer que c'est uniquement et pleinement Jésus-Christ que l'on peut être comme Dieu. Et pas de vouloir calquer ou faire telle ou telle chose par rapport à ce que... pour supplanter Dieu. Et je crois que Salomon a oublié cela. Et c'est si facile. Mais Salomon a oublié ça pour plusieurs raisons. D'abord, il n'a pas, je pense, eu une communion intime et étroite avec Dieu et avec Dieu seul. Aussi bizarrement que cela puisse paraître, alors que Salomon a écrit énormément de livres, énormément de proverbes, et nous en sommes au bénéfice, il y en a plein dans l'Écriture, il ne les a peut-être pas mis tous en pratique. Et parce que Salomon, en fin de compte, a oublié une chose, c'est qu'il avait demandé la sagesse pour que Dieu soit le centre de sa vie. Et en fin de compte, Salomon est tombé dans le travers où ce n'est plus Dieu qui était le centre de sa vie, c'est Salomon qui était devenu le centre de sa vie. Et si nous faisons la même chose, et si nous devenons en fin de compte le centre de notre vie, si Dieu est un peu à côté, ou pas trop loin, parce qu'on en a besoin de temps en temps de Dieu, hein, quand ça ne va pas bien, on est prêt à l'appeler. Mais on considère Dieu de plus en plus, je trouve, comme un distributeur automatique de bénédictions. Mais écoute, Seigneur, tu me dois. Il ne nous doit rien. Tout est grâce. Tout est cadeau. Et le jour où nous nous sommes convertis, où nous avons donné notre vie au Seigneur, ça a été un cadeau de sa part. Le jour où nous avons trouvé une église, ça a été un cadeau de sa part. Le jour où nous avons, pour nous qui sommes mariés, trouvé notre épouse, ça a été un cadeau de sa part. Tout est cadeau et grâce de la part de Dieu. Et nous devons faire attention de ne pas mettre Dieu de côté, mais de le mettre au centre. Et ça, ce n'est pas à faire une fois. C'est à renouveler jour après jour, instant après instant. Et je trouve que c'est tellement dommage que Salomon ait raté le coche. Lui qui avait tellement bien commencé. Et il n'est pas le seul dans l'Écriture. Gédéon, vous vous rappelez Gédéon? Il avait bien commencé aussi. Et vers la fin de sa vie, on voulait le faire roi. Non, je ne veux pas être roi. Mais donnez-moi un petit peu d'argent, je vais faire des terrains. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait des divinités. Et il est tombé dans le travers de la divinité. Et on voit son fils, après. Et on pourrait multiplier les exemples dans l'Écriture, d'hommes qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Saül. Mais c'est formidable la manière dont il a commencé. Et puis tout d'un coup, il s'est pris pour un sacrificateur, il s'est pris pour Dieu lui-même, s'il était le maître du monde. Et le gros problème, c'est qu'en tant que chrétiens, nous risquons nous aussi. On commence bien, mais attention à la fin. Vous savez, dans une course, si vous aimez faire des courses, c'est pas tellement le départ qui est difficile. Et surtout si c'est un marathon, hein, c'est l'arrivée. Et je trouve très beau, peut-être vous avez vu sans doute comme moi, le film Les Chariots de Feu. La grande différence entre Rick Liddell et Abrahams, qui était son concurrent, c'est que Liddell, lui, il n'avait qu'un objectif, c'était déjà de voir la ligne d'arrivée. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu aux derniers Jeux Olympiques, hein, les sprinteurs, quand ils se préparent là devant la ligne d'arrivée. Mais il n'y a rien qui compte autour d'eux. Ce qui compte, c'est 100 mètres plus loin ou 110 mètres plus loin, la ligne d'arrivée. Et le problème, c'est que l'ennemi voudrait nous dire, attends, regarde un petit peu à côté de toi, tu vois pas, profite de la vie, tu es jeune. Mais écoute, pourquoi tu n'irais pas avec telle ou telle fille ou avec tel ou tel gars? Il est quand même sympathique. Puis écoute, si tu triches un petit peu au lycée ou à la fac ou autre, ou au boulot, c'est pas tellement grave. Et si, c'est grave. Parce que le Seigneur le voit. Et parce que justement, si nous voulons réellement être comme Christ veut que nous soyons, il doit avoir la possibilité d'être dans tous les domaines de notre vie. Et c'est un combat perpétuel. Et c'est pas moi qui devrais être là, parce que moi je vais être comme vous, parce que c'est le Seigneur qui devrait nous dire ça. Parce qu'on est tous dans le même lot. Et c'est pas parce qu'on est à plein temps ou pas à plein temps, on a tous les mêmes tensions, les mêmes tentations, les mêmes problèmes. Et demandons à Dieu de nous garder. Alors, oui, être chrétien au 21e siècle, c'est hyper difficile. C'est sans doute la chose la plus difficile au monde. Mais heureusement, le Seigneur nous a donné plusieurs choses. D'abord, il nous a donné son Saint-Esprit. Il est parti auprès du Père. D'ailleurs, il continue encore à intercéder Jésus. Moi, je suis émerveillé de voir que le Seigneur continue. Il n'est pas dans le repos, là. Il intercède pour nous auprès du Père comme un avocat. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui est là et qui a du boulot. Et en tout cas, avec moi, il a énormément de boulot. Parce qu'il doit nous convaincre qu'on est quelqu'un qui est pécheur et qui a besoin toujours d'être renouvelé dans l'onction du Saint-Esprit et du Seigneur. Et puis il y a la Bible, de s'imprégner de l'Écriture, d'être des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, de la Bible. Et je trouve que c'est formidable. On a toutes les versions possibles, imaginables. On a même des versions maintenant sur iPhone hein, et compagnie. On peut lire la Bible comme on veut, quand on veut et où on veut. Et pourtant, on se contente du strict minimum. Trop souvent, par rapport à la lecture de la Bible, on croit connaître, mais on oublie que chaque texte de l'Écriture est tellement beau, et on le verra demain matin, demain en fin d'après-midi, que l'on a besoin de s'imprégner de ce texte, de le méditer, de le décortiquer, de le partager ensemble, dans l'église locale. Et puis le Seigneur nous a donné la prière, de pouvoir aussi prier, non seulement pour nous, et on en a tellement besoin, mais aussi les uns par rapport aux autres, de nous soutenir dans la prière. Moi, je crois en la ferveur de la prière. Et de dire à un frère ou à une sœur en qui on a confiance dans l'Église, écoute, j'ai un gros problème avec telle ou telle chose, prie pour moi. De dire à Pierre, à Nancy, à tous ceux qui sont là autour de vous, on a besoin de se soutenir. Et le Seigneur veut justement nous donner toutes ces choses-là pour que nous puissions continuer à avancer. Vous vous rappelez ? Le peuple d'Israël se trouvait de l'autre côté du Jourdain. Moïse reçoit de nouveau le rappel de la loi. Et puis, Moïse meurt. Le peuple va passer le Jourdain sous la conduite de Josué. Josué va dire juste avant, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Qu'est-ce que dit le peuple ? D'un seul cœur ! Nous aussi, tous, nous servirons l'Éternel. 30 ans se passent, et puis voilà qu'il y a déjà des mariages avec des païennes, des païens. Ils commencent à pratiquer le culte de Baal, etc. Et toute l'histoire du peuple d'Israël, ça a été justement cette notion de tiraillement entre Dieu et l'ennemi. Et c'est ce que nous vivons. Ce qu'ils ont vécu, eux, nous on le vit. La seule différence, c'est que nous on a la grâce en Jésus-Christ, qu'on a le Saint-Esprit, et que l'on sait. Et pourtant, on retombe toujours dans le même panneau. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous aide un petit peu comme Jésus avait posé cette question à Pierre avant de repartir. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Pierre, bien sûr. Écoute, Seigneur, j'ai fait 3 ans avec toi, hein, mais est-ce que tu m'aimes ? Et le Seigneur a dû faire prendre conscience à Pierre que ce n'est pas simplement des paroles que Jésus attendait, mais c'était des actes. Et moi, je trouve tellement beau dans ce que le Seigneur fait pour nous. Seigneur n'a pas simplement, ne s'est pas contenté simplement de parler. Oh, il y a tous ces textes tellement formidables, le sermon sur la montagne et d'autres choses. Mais il a vécu. Il a pris mon péché, notre péché. Et c'est pour ça que nous pouvons nous présenter devant lui, devant le trône de la grâce, sans aucun problème, parce que je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Intellectuellement, ça me dépasse. Je me dis, mais comment Dieu, le Dieu trois fois saint, a-t-il pu m'aimer moi ? A-t-il pu nous aimer nous ? Et c'est ça. C'est le cadeau de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que notre objectif devrait être de ne pas le décevoir. Et pourtant. Alors je voulais simplement vous laisser avec ces choses-là ce soir, non pas pour vous culpabiliser, mais je crois que ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter et de dire, mais où sont les choses peut-être qui ne vont pas dans ma vie ? Et de les voir. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont très beaux. Vous connaissez sans doute Narcisse. Hein, vous rappelez ce Narcisse qui se trouvait tellement beau et un jour s'est penché comme ça vers l'eau parce qu'il voulait se regarder de plus en plus. Puis il était beau, il était beau, il était beau. Puis en fin de compte, Narcisse, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé. Ça lui servait à quoi de savoir qu'il était beau s'il avait perdu la vie? Ça nous sert à quoi de nous détourner de Dieu si en fin de compte, nous nous détournons du bonheur parfait? On a tout pour être heureux. Tout. Et nous devons demander au Seigneur de nous aider. Alors, Salomon, lui, eh bien, il a trahi l'héritage, en fin de compte. Mais nous risquons-nous aussi de trahir l'héritage que Jésus-Christ nous a donné? Alors, comment Dieu regarde-t-il ma vie? Un bilan globalement positif? Combien de zones d'ombre j'ai dans ma vie? Vous savez, s'il y avait ici un écran avec tout ce qu'il y a comme zone d'ombre dans ma vie, je serais vite parti bas dans la vallée, là, plus devant vous. Dieu le sait. Tu sais peut-être aussi toi tes zones d'ombre. Tu sais peut-être les choses que tu as réglées avec le Seigneur pour qu'il soit le maître de toute ta vie. Et je crois que c'est ce qu'on veut faire aussi pendant ce week-end. De savoir comment nous pouvons laisser faire le Seigneur. Pour qu'on ne soit plus les mêmes. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur nous a promis de nous transformer. L'apôtre Paul a même dit à l'église de Philippe qu'il avait cette certitude que l'œuvre que Jésus avait commencée en nous, il la rendrait parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Un jour, nous serons parfaits. Je vous rassure tout de suite, ça ne se passera pas maintenant. Hein. Mais dans la présence de Dieu. Moi, je trouve que c'est fantastique. Je me dis, quand on voit toutes les difficultés qu'on a eues dans sa vie, peut-être les problèmes qu'on a eus aussi avec les autres, et il faut être conscient, il y en a dans les églises. Un jour, on sera dans la présence même de Dieu. Et alors là, il n'y aura plus ni de problème de couleur de peau, ni de situation sociale, ni de tel frère qui vient de telle union d'église, de tel autre, etc. On contemplera Jésus-Christ seul. Alors, on peut commencer maintenant. Pourquoi attendre? Et pourtant, nous devons aussi être bien conscients que l'ennemi est fort. Et que s'il a perdu la guerre, il peut encore remporter quelques batailles dans nos vies. Alors que nous ne laissions pas à l'ennemi la possibilité de nous détourner de Jésus-Christ. Et que nous puissions prendre cet engagement de vivre à 100% pour le Seigneur. Que nous puissions prendre cet engagement d'être uniquement disciples de Jésus-Christ. Que nous puissions prendre cet engagement de tout faire pour que le Seigneur puisse régner totalement dans ma vie. Je vous invite à prier. Seigneur, pardon pour toutes les fois où dans ma vie, dans nos vies, nous nous sommes détournés de ce que tu voulais pour nous. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où je n'ai pas eu le courage de témoigner devant des amis, où j'ai accepté telle ou telle chose qui n'était pas propre, où j'ai peut-être même posé mes regards sur des choses qui me détournaient de toi, où j'ai dit des choses qui ont blessé d'autres. Pardon, Seigneur. Pardon pour notre incapacité à vivre l'unité. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas eu le courage d'ouvrir ta parole et de la lire. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas pu prier. Mais en tout cas, ce soir, on veut te louer et te bénir. Parce que toi, Seigneur, tu as été jusqu'au bout. Tu es notre modèle parfait. Que nous puissions te contempler. Et merci, parce que c'est possible encore aujourd'hui d'aller de victoire en victoire avec toi. Alors que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Que nous puissions, Seigneur, vivre pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ et que nous puissions être des chrétiens à 100% pour toi. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la parole, que les chrétiens du premier siècle se sont entendus dire « Mais qui sont ces gens qui ont bouleversé notre monde ?» J'aimerais, Seigneur, qu'à notre niveau, à chacun, nos voisins, ceux de notre famille, nos collègues de travail, de fac, de lycée, puissent dire aussi « Mais qui est cela? Qui est ce gars? Qui est cette fille? Qu'est-ce qu'il a de plus que j'aimerais avoir ?» Oh, donne-nous, Seigneur, de faire envie aux autres. Donne-nous d'être des porteurs de l'amour de Jésus-Christ. Et en tout cas, merci pour ce week-end que tu nous offres ensemble. Qu'on puisse aussi développer notre communion fraternelle les uns avec les autres et avec toi. Et qu'on ait de la joie. Parce que c'est aussi, Seigneur, ce que tu veux que nous vivions jour après jour dans nos vies. Nous t'adorons. Nous te bénissons en Jésus-Christ, notre modèle divin.